Bon, écoutez, je n'ai pas grand-chose à vous dire. Pardonnez-moi. Il est 1 heure du matin. C'est à peine que j'ai fini quelques réunions que j'ai eues avec mes avocats, des réunions vidéo, conférences. Juste pour, comme vous avez vu le titre, j'ai été beaucoup généreux, il faut l'avouer. J'ai été trop gentil. Pendant ces 3 dernières années, j'ai donné des enseignements. Mais vous aussi, je crois qu'il faut être. Je ne veux pas utiliser des mots trop forts. Je ne sais pas si je suis suivi par des villageois, mais je crois que la majorité des gens qui me suivent, c'est des intellectuels. Alors, il ne vous est pas quand même venu à l'esprit. Il ne vous est pas venu à l'esprit de se poser la question de savoir, mais tout ce savoir que ce monsieur est en train d'écrire, même s'il dit qu'il ne se prépare pas, est-ce que ce n'est pas documenté quelque part? Vous n'êtes même pas posé cette question. Que tous les enseignements que moi je fais, tout est documenté quelque part, s'il vous plaît. OK? Donc, toutes les vidéos que vous voyez, 247 vidéos, chaque fois, avant de faire une vidéo, je prépare cet enseignement. Je prépare un discours. À la fin de la vidéo, dès que je finis, la frappe, elle est faite. Et comment la frappe se fait? Si vous ne le saviez pas, il y a un programme sur Google. Ce programme Google fait ce qu'on appelle la transcription automatique. Cette transcription automatique veut dire que le discours que je fais, j'ai une imprimante ici chez moi à la maison, je vous informe. Donc, le discours que je fais est automatiquement transcrit. Vous comprenez? Il suffit que je rentre, je ne sais pas comment on appelle ça en français, c'est un logiciel en fait. C'est un logiciel Google qui n'est peut-être pas parfait, mais je me suis acheté mon logiciel à moi qui est plus performant. Ce qui fait que quand je finis de parler avec vous là, je passe à ce logiciel. Il va faire transcrire tout ce que je dis. Et c'est moi qui viens corriger si, par exemple, les mots français que j'ai dit ne sont pas corrects. Vous comprenez? N'importe qui présente des discours, parce qu'on n'est pas idiot, on n'est pas bête, on sait qu'il y aura toujours de la malfaçon. C'est-à-dire qu'il y aura des gens qui viendront enregistrer, écrire tout ce que nous disons. J'ai été prévenu par la plupart de mes frères qui sont des conférenciers, de la plupart de mes frères qui ont écrit des livres. Vous connaissez tous le maître Atomori Benga, tout ce qu'il a eu à dire à la chaîne de télévision nationale gabonaise, toutes ces histoires-là qui ont été enregistrées. Mais c'est la base de ça qu'il a écrit, ces livres qu'il a sortis. Alors, je viens ici, pas pour vous maintenir longtemps, vous éduquer un peu. L'éducation, c'est quoi? Sachez que les forums qui ont été créés là, et que vous trouvez au bas de ma page, ces forums-là, c'est contrôlé, c'est filtré. Je suis aux États-Unis, je vous informe. Pour ceux qui doutent, pour ceux qui ne le savent peut-être pas. OK? Ici, aux États-Unis, je suis suivi par les services secrets américains. Pourquoi? À cause de mon statut. Parce que je leur ai déclaré que je suis réfugié politique. Et c'est ainsi que j'ai été enregistré ici comme réfugié politique. Étant réfugié politique, nous avons un statut particulier. Nous sommes surveillés sur tout ce que nous faisons. D'accord? Donc, si vous voulez maintenant tout savoir, si vous voulez savoir qui m'a donné les informations, en dehors des gens qui sont bien avertis, en dehors des esprits, mon compte Facebook, mon compte YouTube, Twitter, Instagram, TikTok, tous ces comptes-là sont enregistrés par les services secrets américains, précisément le FBI. D'accord? Ça veut dire quoi? Tout ce que je dis ici, c'est suivi. Il y a une copie. Maintenant, vous voulez tout savoir. Il y a une copie que je remets au FBI, au service d'investigation. Parce que je suis dans ce pays exilé politique. Ça veut dire que toutes mes actions, toutes mes paroles sont surveillées à la lettre. Maintenant, vous qui commettez l'erreur de copier bêtement, d'écrire bêtement tout ce que je dis, vous allez vous retrouver dans la merde pour rien. Pourquoi? Je vais vous expliquer. Tous mes écrits, je voulais dire, toutes mes vidéos, je vous le répète encore, c'est enregistré. C'est-à-dire que quand je finis de vous faire un enseignement, mon logiciel fait taper, pour ne pas dire fait imprimer tout ce que j'ai dit, automatiquement. Je n'ai pas besoin de passer le temps avec le BIC comme j'ai fait avec d'autres. C'est parce que je ne veux pas déranger mon petit-fils. Il est en train de dormir. Parce que mon fils est chez sa fiancée. Donc, je respecte le sommeil du petit. Il n'a que 7 ans. J'aurais dû me rendre là-bas, dans ma chambre, sortir les milliers de pages qui sont déjà imprimées. J'ai une imprimante ici. Couleur est noir et blanc. Donc, tout ce que j'ai dit, même ce que je suis en train de vous dire, ça va être imprimé. Maintenant, je suis venu seulement vous avertir. Vous avez suivi mes interventions dans les forums. Je suis seulement venu vous avertir que tous ceux qui ont eu l'audace de voler mes enseignements, vous avez volé mes enseignements. Vous avez commencé à les faire écrire en vue de produire des livres sur mes connaissances à moi. J'ai déjà dit les conséquences que vous allez encourir, non seulement dans le plan physique, mais dans le plan mystique. C'est là où vous saurez vraiment le sens de ce qu'on appelle un sorcier. Je ne suis pas là pour vous intimider. Beaucoup d'entre vous savent que je suis un vrai sorcier. Ils le savent. Et je vous dis, pour l'année 2020, il y a eu plus de 5 morts. Les gens qui, de loin et de près, ont voulu toucher à ce qui m'appartient. Il y a eu plusieurs morts. Il y a certains qui ont voulu jouer avec celle qui est ma femme au niveau de Libreville. Je n'exagère pas, il y a eu un mort. Il est bien mort parce qu'il a osé vouloir toucher ce qui m'appartient. D'accord? En termes de venir m'attaquer mystiquement, il y a des gens qui ont tenté. Ils en ont mort. Mes vidéos que vous voyez là, quand vous me voyez rentrer en transe, quand vous me voyez jouer la musique, quand vous me voyez faire des signes que vous ne maîtrisez même pas, je prononce des mots, je prononce des prières, je brûle certains encens que vous ne connaissez pas. Je rentre en communion avec mes démons. Je rentre en communion avec des esprits que vous ne connaissez pas. Ça peut être des démons, ça peut être des mauvais esprits ou des bons esprits que vous ne connaissez pas. Donc, les paroles que je sors de ma bouche là, dans ces enseignements-là, vous bêtement, vous les copiez et vous voulez profiter de cela. Ces paroles-là ne viennent pas de moi, si vous voulez tout savoir. Ça ne vient pas de moi. Ça vient de ceux-là qui me font veiller là jusqu'à 1h du matin. Et je vais veiller avec eux jusqu'à 5h du matin. Parce que là, je vais bien les invoquer. Je connais les noms de tous ces gens-là qui ont commencé à écrire un livre sur mes vidéos à moi. Lesquelles vidéos? Je suis l'auteur. Et vous ne saviez même pas que tout ce que j'ai dit, je le répète, dans toutes ces vidéos-là, c'est imprimé. Donc vous, maintenant, vous allez écrire un livre. Les avocats vont suivre ça de près. Il existe ce qu'on appelle les droits d'auteur. Qu'est-ce que vous allez écrire sur votre livre? Que vous, vous êtes responsable de ce que vous allez écrire. Ou bien vous allez dire, nous, tous ces écrits et tout ce qui est le contenu de ce que nous écrivons, l'auteur, c'est le maître Mouéré ou Louvier. Et même si vous écrivez, est-ce que vous m'avez demandé la permission? M'aviez-vous demandé la permission? Parce que ces livres, si vous écrivez ces livres, je ne vous cache pas. Il y a une jeune américaine qui s'apprête à écrire un livre sur certains rites que je ne vous ai jamais dit. Ça, c'est des rites que j'ai compilés, que j'ai pris auprès de certains vieux. Il y a certains rites de mes grands-parents dedans. Oui. Elle va payer beaucoup. Elle va sortir ce livre en anglais, ici. Au moment venu, vous verrez le livre. Je peux vous anticiper. The Lost Rights of the Origin of Africa. Les rites perdus de l'Afrique originelle. C'est moi qui suis l'auteur. Si vous verrez ce livre-là, vous verrez. Elle va mettre mon nom. Mon nom de naissance, hein, pas Mouéré. Parce qu'elle s'est référée à mon passeport. Je lui ai donné l'autorisation. On a des rendez-vous. Elle écrit ça. C'est uniquement des rites. OK? Donc, on a déjà conclu l'accord avec elle. Elle aura 20%. Et moi-même, j'aurai le 80%. Je me suis endetté moi-même. J'ai pris un petit... Bon, j'ai pris des fonds à gauche, à droite. J'ai dû sacrifier certains fonds. Je ne veux pas vous en parler. Mais c'est pour vous dire que cette femme-là qui écrit ce livre, les rites perdus de l'Afrique originale, c'est des rites que j'ai puisés au Congo, au Gabon, au Centrafrique, en Angola et au Ghana. J'ai reçu ça auprès des grands initiés mystiques et des grands sorciers. Il a fallu que je fasse des sacrifices. Il n'y a pas eu de prêtre, il n'y a pas eu de mort d'homme. Mais j'ai dû dépenser près de $7,000 pour avoir accès à ces connaissances. C'est en 2011 et en 2015, mes voyages que j'ai faits dans ces pays que je viens de citer. Elle m'a demandé la permission. Parce qu'elle a trouvé que je suis trop paresseux, je ne veux rien faire de toutes ces connaissances. Elle m'a fait la pression. J'ai dit, OK, vas-y. Elle a les moyens, elle a la technologie, elle a une imprimante, tout ça. Je lui ai dit, tu prends 20%. Moi-même, 80%. On a signé l'accord. Vous qui vous précipitez à écrire un livre sur mes connaissances à moi, qui sortent de mes entrailles, qui sortent d'ici, de mes ancêtres, qui viennent de mes 47 génies, entités du Gabon que vous ne maîtrisez pas, et même quelques entités du Brésil, puisque je fais sortir un rite de Macumba, je fais sortir le rite des génies les plus puissants que vous devez faire asseoir sur la table. Vous ne savez même pas quels sont les sacrifices que je fais. Et vous, vous vous permettez de voler, parce qu'une autre administratrice a sorti une vidéothèque, alors vous avez pris avantage de cette vidéothèque, vous êtes venus comme des espions dans mes forums, et vous pensez que je serai là aveugle, je ne vous verrai pas. Vous êtes venu, vous avez volé. Vous écoutez attentivement tous mes enseignements. Vous les écrivez. Peut-être si vous avez le même logiciel que j'ai, automatiquement il y a la transcription pour vous. Mais vous savez, peut-être que vous l'ignoriez, hein? J'ai alerté YouTube, si vous ne le savez pas. J'ai déjà alerté YouTube pour qu'il n'y ait ce qu'on appelle le copyright. Et si ces écrits, les gens qui ont pris, on appelle ça comment? Cette fameuse vidéothèque, c'est vrai, ça c'est un problème interne que je vais arranger avec mon administratrice. YouTube m'a dit que c'était une erreur que nous avons commise de faire la vidéothèque sans avoir mis cela dans un site internet. Mais j'ai eu confiance à vous. Voilà pourquoi je n'ai pas eu l'idée de mettre un site Internet. Parce que si je mets un site Internet, eh bien, il n'y a que moi qui ai le mot de passe. Hein. Et vous ne pouvez venir suivre que seulement ceux qui vont payer certaines sommes d'argent. Mais puisque vous aurez la restriction et tout va être surveillé par un robot, quiconque va vouloir voler va être sanctionné. On vous sortira automatiquement. Ce n'est pas moi. C'est comme ça, le site Internet. Mais je dis non, j'ai confiance à mes frères et sœurs de l'Afrique. Et voilà comment vous me remerciez. C'est de venir voler mes connaissances. Ce que j'ai dit dans les forums ne change point. Deux choses vous attendent. Vous serez poursuivi en justice. Voilà pourquoi je suis éveillé là. Je n'ai pas travaillé ce week-end. Je suis de repos depuis hier. Et je serai de repos jusqu'à lundi. Lundi, j'ai rendez-vous avec mes avocats. Vous en avez abusé. Et il y aura beaucoup de changements. Je préfère ne pas vous anticiper sur l'affaire de YouTube. Parce que beaucoup vont se précipiter à télécharger. Ça peut être dans la nuit. Ça peut être demain. De ce qui va arriver à cette chaîne YouTube. Que malheureusement, vous n'aurez plus rien à regarder. Je peux le faire dans la nuit là. On m'a donné la clé, comment le faire? On m'a donné la clé. J'ai discuté avec un spécialiste, un frère blanc qui est né ici, un frère maçon. Il m'a dit, il sait comment ça se passe. Comment il peut faire diliter à la seconde. Il peut faire diliter tout. Et je lui en ai donné l'autorisation. Je lui ai dit toutes ces connaissances-là. C'est dans ma tête. C'est dans mes archives. C'est dans mes écrits. Mais j'ai dit non. Ne le faites pas encore. Je veux que ces gens-là soient poursuivis en justice. Parce que où aurais-je les preuves? Mais les preuves, je les aurai à partir de ce qu'ils ont volé à travers mes vidéos. Donc, premier et dernier avertissement. Ceux qui me suivent à partir d'aujourd'hui, là. Je ne sais plus si vous allez encore me suivre sur YouTube, là. Je tiens déjà à vous signaler. Je ne sais plus si vous me verrez encore. Que ce soit les vidéos que j'avais sorties il y a 3 ans, hein, même si vous les volez. Vous n'avez jamais vu auteur avoir retiré la vidéo. Vous n'avez jamais vu cette phrase-là. Hein? Vous n'avez jamais vu la phrase-là. Ça veut dire que vous avez volé ça où? Dans ma chaîne. Donc moi, si je retire ça de ma chaîne, vous n'allez plus suivre ça. Et c'est ce qui risque de se passer dans quelques jours. Et même dans cette nuit. Parce que j'ai mes frères de la loge. Il a des grands réseaux. Ce sont eux qui commandent ce pays. D'accord? Premier et dernier avertissement. Vous qui venez avec le vampire de venir voler mes enseignements, de venir prendre profit des nuits entières sans sommeil, des génies qui me secouent, ces génies me parlent et vous venez voler leurs paroles et vous voulez les écrire. Vous voulez les rites. Vous allez les vendre à 500 euros en Angola. Mon frère béninois, tu te reconnais? J'ai pu te repérer. J'ai eu ton numéro au téléphone. Oui. Tu es membre dans mes forums. Mes frères gabonais, ce n'est pas parce que tu es informaticien que tu as participé à cette mascarade. Et mes frères camerounais, je sais depuis quand ce jeu date. Je sais. Mais je ne suis pas naïf, je ne suis pas idiot. Je suis très éveillé, rassurez-vous. Le silence que je gardais depuis un certain temps. Vous vous posiez des questions, mais ça fait un mois, maître, vous ne faites plus les enseignements. Mais j'étais en train de faire le tour, de mener bien les enquêtes sur les manœuvres que vous faites. Et ça ne s'arrêtera pas là. Cette vidéo, elle va être copiée encore. Et ça va être écrit. Elle va être envoyée à qui de toi? J'espère que vous m'avez suivi. D'ici là, ne soyez plus surpris. Parce que c'est ça le problème avec l'homme noir. Et j'ai compris pourquoi les gens ne veulent pas aller au séminaire, mais c'est de venir voler mes connaissances. Vous pensez que c'est ça le séminaire? Vous vous trompez. Parce que les rites que je diffuse là, c'est rien du tout. Et c'est d'ailleurs incomplet, je vous signale. Très incomplet. Je fais cela exprès. Donc faites très attention. Vous savez ce que c'est un sorcier, que ce soit au sens propre, que ce soit au sens préjuratif. Vous êtes en train de jouer avec la vie d'un sorcier. Mais réellement, entre vous et moi, qui est plus sorcier que qui, on se retrouvera. Que Tetamwanga vous bénisse. Merci. Merci encore. Je répète que Tetamwanga vous bénisse. J'espère que l'année 2021 vous verra encore en vie. Pour tous ceux qui m'ont osé poignarder de cette façon. Merci beaucoup.